si tu ne me parles pas et que je ne parle pas. J'aime ce silence-là, si je te sens avec moi, donne-moi un peu de ton amour. Donne-moi simplement un peu de ton âme. Pas besoin de discussion, pas besoin de négociation. Je me fous de tes raisons, non je pourrais trouver tout ça tout seul. Donne-moi un peu de ton amour. Donne-moi un peu de ton âme. Et donne. Tout de suite ou rien du tout, j'ai besoin de ton amour. Pas besoin de long discours, non, non je connais trop bien tout ça, tu sais. Donne-moi un peu de ton amour. Donne-moi un peu de ton âme. Et donne. Et donne.